l'an dernier. Et ça devait être Michel Edima qui s'est désisté, qui a eu peur. Mais je l'ai transféré la semaine prochaine, c'est lui qui va conclure. Fait que pleurez pas, là, pour ceux qui désiraient voir Michel. Ça va avoir lieu, hein, Michel? Dieu voulant. Ce matin, on a un long passage. Malheureusement, vous avez pris beaucoup de temps au début, ça fait qu'on va finir plus tard un petit peu. J'en ai pour facilement 45 minutes là, ce matin. Et le passage qu'on va lire, on voit « se moquer ou faire confiance à l'Évangile de Jésus-Christ ». Ça va être basé là-dessus l'enseignement ce matin. C'est dans Marc 15, au verset 15 jusqu'à 45 ou 47, je pense que j'ai une erreur. Avant de lire, juste rappeler aussi que hier, Landry, Jean-Claude et moi, on était à Thetford Mine pour continuer d'aider l'Église là-bas à se prendre en main avec de manière avec un conseil d'anciens éventuellement. Et en même temps, on leur donne un cours sur l'homélitique pour les aider aux autres aussi à prendre charge de l'enseignement tous les dimanches. Fait que c'est une très bonne rencontre, hein, Landry? Les gens sont vraiment enthousiastes à vouloir apprendre et à vouloir prendre charge de l'Église. C'est toute une tâche, hein? Et on voit que Dieu vraiment fait quelque chose dans leur cœur pour y arriver. Ça fait que vos serviteurs étaient là hier. Ça fait une semaine qu'ils étaient occupés. Mais par la grâce de Dieu, on devrait être bon pour vraiment s'édifier dans le message de ce matin. En premier lieu, on va lire le texte. On parlera du contexte avec Landry après. La semaine passée, c'était notre frère Landry qui enseignait, vous en rappelez? Fait que tournons avec moi dans Marc 15. C'est presque au dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est Marc 16. On va débuter au verset 14. Pour juste enchaîner avec ce qui a été dit précédemment. Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» en parlant de Jésus. Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Ils crièrent fort, hein? Ça fait que des fois, je vais monter le ton. Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. C'est ce qu'on appelle souvent la flagellation dans l'Église catholique, là. C'est à ce moment-là que ça se passe. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, l'endroit où Pilate résidait quand il était à Jérusalem. Ils assemblèrent toute la cohorte. On ne pense pas que ce soit 600 hommes qui étaient là, mais probablement une partie de la cohorte, parce que ça faisait beaucoup de monde, hein? Et Pilate était en visite à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Les soldats, verset 17, « Ils revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressées. » Souvent, quand vous voyez des crucifix, vous voyez Jésus avec une couronne d'épines, bien, ça vient de là. Puis, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappèrent la tête avec un roseau. Crachaient sur lui, en pleine figure, souvent. Et fléchissant le genou, avec une fausse révérence, il se prosternait devant lui. Vous voyez que c'était ironique, hein, ce qu'il faisait. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le pourpre. Le pourpre, c'est une espèce de manteau écarlate ou de vêtement écarlate rouge qu'ils ont mis dessus pour signifier un peu la royauté. C'est avec ça que les rois souvent s'identifiaient. Après s'être ainsi moqué de lui, au verset 20, ils lui ôtèrent le pourpre et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ce qui nous fait dire ici, ce petit bout-là, là, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, c'est que dans l'Église de Rome, on le sait par les salutations à la fin de l'Épître aux Romains, qu'Alexandre et Rufus étaient là. Et ce qui nous fait dire que l'Évangile de Marc a d'abord été écrit pour des Italiens à Rome. C'est le seul endroit où c'est mentionné dans les Évangiles. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, qui signifie « lieu du crâne », qui a été traduit en latin par calvaire ou quelque chose, calvaire, je ne sais pas le nom exact en latin, et ce qui a donné le mot calvaire en français. Fait que quand vous entendez les gens blasphémer avec le mot calvaire, ça vient de là. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Le vin qu'il donnait initialement, mêlé de myrrhe, c'est un vin anesthésien un petit peu, qui faisait tourner la tête pour que le sulpicier soit souffle-poteau au moment du clouage. Et Jésus n'a pas voulu. Il est resté la tête froide, subissant la torture jusqu'au bout. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Jean compte les heures à la manière romaine à cette époque-là, et 3 heures, ça correspond à 9 heures le matin. Donc, il a été mis sur la croix à ce moment-là. Si vous lisez l'Évangile de Jean, vous allez avoir une petite difficulté, parce que lui, il parle de la sixième heure, et au moment où l'Évangile de Jean a été écrit, c'est la fin du siècle, c'était la méthode moderne des Romains de compter à partir de minuit. Parce que les évangiles n'ont pas été écrits en même temps. Ça fait qu'étonnez-vous pas là, qu'il y a une différence, qu'il paraît avoir une différence dans le temps, mais il n'y en a pas vraiment. C'était la troisième heure, verset 25, quand il le crucifia. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « roi des Juifs ». Et c'est vraiment une parodie ici que Pilate, qui savait pourquoi les Juifs l'avaient amené pour le condamner, a fait écrire cette chose-là. Et ça ne plaisait pas aux Juifs. Ils vont, dans d'autres évangiles, on voit qu'ils sont discutés avec lui à ce sujet-là. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ça, c'est dit dans Ésaïe. Les passants l'injuriaient. Jésus a été environ 6 heures sur la croix avant de mourir. Ça a commencé à 9 heures le matin, les 3 premières heures, il a fait soleil, et les 3 dernières heures, c'est dans les ténèbres. Il a fait noir. On pense même qu'il y a eu une éclipse solaire là, qui a alourdi davantage les ténèbres. Fait que les passants l'injuriaient, verset 29, et secouaient la tête en disant, « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs, aussi avec les scribes, se moquèrent entre eux en disant, « Il a sauvé les autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Fait que les 2 brigands, au début, là, ont insulté Jésus de la même manière que les passants. La 6e heure étant venue, ce qui est à peu près midi dans la manière de compter de Marc, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, c'est l'heure vers laquelle Jésus est approximativement mort. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » On a fait un switch sur le prophète Élie, alors que ce n'est pas ça que Jésus venait de dire en araméen. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, parce que Jésus était quand même assez haut, sa bouche était haute, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons s'il lui viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le centenier qui était en face de Jésus, en face de la croix, en fond, j'ai oublié 38, excusez-moi. Le voile du temple se déchira en deux. Merci. Merci de suivre. C'était pour vous tester, là. Le voile du temple qui se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et le mineur, et de Jose, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Donc, quand même plusieurs personnes autour de la croix. Le soir étant venu, si on parle d'environ 5 heures d'après-midi, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille de la fête des pains sans levain, dans laquelle c'est un sabbat, c'est-à-dire la veille du sabbat, il arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Normalement, un crucifié pouvait durer 2-3 jours avant de mourir. Et souvent, pour les aider à mourir, comme on va faire avec les deux brigands, on va leur rompre les jambes, et souvent, ça les amène à s'étouffer rapidement. Dans le cas de Jésus, c'est pas ça qui s'est passé. Et ça va être important dans ce qu'on va voir tout à l'heure. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Là, le centenier, évidemment, doit se promener entre le prétoire, ou Pilaté, et la croix, il doit avoir quelques distances, doit aller voir, constater encore une fois que Jésus est bien mort. Et c'est là qu'on va lui percer le côté selon d'autres évangiles. Ça va? Avec une lance. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph, ce qui est aussi étonnant parce que souvent, Pilate pouvait résister à cette demande-là. Et Joseph n'était pas de la famille immédiate de Jésus, Pilate aurait pu dire non. Il ne l'a pas fait. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et il le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Et on s'arrête ici. La semaine prochaine, c'est suite avec Michel, qui meurt d'impatience de conclure. Ça va être vraiment intéressant aussi avec lui. Ce matin, j'ai perdu ma souris. Ah, ça en vient. C'est pas large, hein, ici. Ça manque de place. Notre frère Landry, la semaine passée, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu deux facettes de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à travers l'accusation injuste des Juifs. Je ne dis pas de fausseté, là, Landry, tu es là pour constater. Jésus était accusé injustement par les Juifs. Et la condamnation était condamnée de façon injuste par Pilate et les Romains à la croix. Parce que Pilate était convaincu de son innocence. Vous vous rappelez de ça? La question de Pilate est toujours d'actualité au 21e siècle pour tous les êtres humains de la Terre. C'était quoi la question de Pilate dans le passage qu'on a lu avec André? Non. Que voulez donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? C'est la question qui est posée à la foule. J'aurais dû dire à la foule. Que vous voulez donc? Et la même question s'adresse ici à tous ceux qui sont ici. Qu'est-ce que vous voulez faire de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu veux faire de Jésus-Christ? C'est un fait historique, là. Tu ne peux plus le tasser. C'est dans l'histoire. C'est un fait reconnu. Introduction, on va aller voir un passage, 2 Pierre 3, 1 à 4. Les passages ce matin ne sont pas tous à l'écran. Il y en a qu'on va devoir, vous allez devoir encore une fois ouvrir vos Bibles. Hein, vous savez, je vous en demande beaucoup. Hein. C'est dur d'ouvrir sa Bible, de regarder. J'en ai écrit quelques-uns, mais je ne les ai pas tous écrits. Et la deuxième épître de Pierre, ça date de 37 ans environ après la crucifixion. Je peux me tromper, là, ça peut être 35 ans, ça peut être 36 ans, mais il est tout près d'être exécuté lui aussi à son tour. à cause de sa foi. Voici, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. On est dans 2 Pierre, c'est normal. C'est des lettres universelles, pas adressées à une église en particulier. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements à votre saine intelligence. Est-ce que vous êtes des êtres intelligents ici? Frédéric, j'en doute un peu, mais avec le temps, ça va s'améliorer. Ton père y travaille. D'accord, Philippe? Vous comprenez que des fois, je me moque un petit peu. Hein? J'essaie de vous éveiller à des avertissements par votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. On parle d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Jérémie, les 12 petits prophètes, Amos, jusqu'à Zacharie, Joël, Abdias et compagnie, et enseignés par vos apôtres, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Alors, ça, c'est le relais que les apôtres ont fait après la Pentecôte. Sachant avant toute chose, avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Est-ce qu'on est dans les derniers jours? Est-ce qu'il y a des moqueurs qui se moquent carrément de l'histoire de Jésus? On n'a jamais été dans un siècle où on en fait autant. Et souvent, on est entraîné dans ces railleries-là, ou on risque d'être entraîné dans ces moqueries-là. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, évidemment animés par leur propre convoitise de se glorifier devant Dieu, et disant, « Où est la promesse de son avènement? » Car depuis que nos pères sont morts, depuis que Jésus est mort, tout demeure comme dès le commencement de la création. Autrement dit, il renie carrément une des promesses certaines des Écritures, que Jésus revient, et il ne reviendra pas comme la première fois. On est dans ce temps-là. Apocalypse 17, 14, juste pour vous montrer que c'est un fait certain, ils combattront contre l'agneau. L'agneau, c'est le nom qu'on donne dans l'Apocalypse à Jésus. L'agneau comme immolé. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, et quoi? Le roi. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Bon, il faut lire l'Apocalypse, je ne veux pas en parler ce matin plus qu'il faut, mais c'est un retour certain dans lequel Jésus revient, non plus comme celui qui va se remettre sur une croix, mais celui qui va dominer le monde. Ramasser tous les armées, là, américains, russes, chinois, iraniens, israéliens, mettez-les tous ensemble, ils vont tous tomber devant lui. Comment c'est faisable? D'un point de vue humain, c'est infaisable. D'un point de vue divin, ils vont tomber par le souffle de sa bouche. C'est un fait certain. Donc, on est dans un temps de raillerie où on raille, on ironise sur le retour de Christ. Dans le texte de Marc 15, 16 à 47, Dieu nous montre 4 façons de se moquer et de rejeter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Hein, c'est un drôle de message, un matin, je vous enseigne à mal faire. Ça ne sera pas le but. Mais si vous vous reconnaissez dans ces façons-là, il est encore temps de changer, avant que Jésus revienne. Dieu nous montre 4 façons de se moquer et de rejeter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La première façon de se moquer et de rejeter l'Évangile de Jésus-Christ, c'est de le considérer comme un adversaire politique, sans puissance, un roi de pacotille. Et là, on le voit ça dans les versets 16 à 20. On va les relire rapidement. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre. Ils l'ont déguisé en roi. Ils le revêtirent de pourpre, j'ai perdu ma place, là. OK. Et ils posèrent sur la tête une couronne d'épines. Donc, un roi, ça porte une couronne, sauf que c'est une couronne d'épines, ça fait mal. Qu'ils avaient tressée, puis ils se mirent à le saluer. Oh, salut, roi des Juifs! Vous voyez que les Romains sont en train de se moquer ici du peuple juif à travers Jésus, et ils se moquaient en même temps de Jésus, qui a été présenté par la nation juive. Il s'est fait roi. Fait que les deux côtés ironisent, les Juifs comme les Romains. Ils se moquent de lui. Puis vous avez vu, quand les sacrificateurs sont devant la croix plus tard, ils font exactement ça. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Puis il frappait sur la tête avec un roseau. Ça, c'est pas très respectueux pour un roi. Crachant sur lui, encore moins respectueux. Fléchissant le genou, faisant des références devant lui. Il se prosternait devant lui, évidemment, pour se moquer. Il est prêt à ainsi moquer de lui. Il lui ôta sa pourpre et il lui remit ses vêtements. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Fait que, on voit ici ce qui se passe. On voit que les Romains, ici, ridiculisent en même temps la nation juive, mais ils ridiculisent Jésus. Est-ce que Jésus est roi? Luc 23, 2, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit, lui. Je vais le... Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte et empêchant de payer le tribut à César, disant lui-même Christ, c'est-à-dire roi. » C'est Luc 23, c'est les Juifs qui prononcent ça. Et les Romains ont repris ça. Or, dans Marc 11, 1 à 11, qu'on a lu, et c'est moi qui avais prêché cette fois-là, je ne suis pas souvent rappelé, qu'est-ce que c'est, Marc 1 à 11? C'est l'entrée de Nicolas. C'est quoi, Marc 1 à 11? 11, 1 à 11? C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on a fait cette journée-là? On l'a traité comment? Hey, la foule qui était là a été comme soulevée, enliée, vous vous rappelez? Même de façon miraculeuse, pour acclamer un roi qui venait assis sur un cheval blanc de Napoléon, habillé avec une couronne et tout. Il était habillé comment? Frédéric. Normalement. Il était monté sur quoi? Un âne? Même un âne, non, un petit. Et les gens avaient mis des branches de palmiers, puis vraiment, ils ont été comme soulevés, puis ont acclamé leur roi. Rappelez-vous que c'est Dieu qui avait déjà prémédité ça, 1000 ans auparavant, dans les psaumes. Vous vous en rappelez? Qu'est-ce que font les gens, les adversaires de Jésus ici? C'est comment ils arrivent à faire ça? Ils ignorent volontairement les prophéties à son sujet. Qu'est-ce que font les gens aujourd'hui qui nient que Jésus va revenir? Ils ignorent volontairement que Jésus, l'avènement de Jésus-Christ est à venir. Pas différent, hein? On n'a pas évolué d'un poil, le monde. On a plein d'affaires aujourd'hui, des fusées, des autos, plein d'affaires, mais on n'a pas changé d'un poil. On a toujours aussi. Aussi. Inintéressé à ce que Dieu dit. 2 Samuel 7, 12 à 14, c'est la promesse que Dieu a faite à David, 1000 ans auparavant, dans laquelle il a prophétisé que celui qui sortirait de ses entrailles, on sait que Jésus est de la descendance de David, tant par son père terrestre que sa mère terrestre, son père adoptif, évidemment, Joseph, il est vraiment de la lignée de David. « Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, ça c'est David, je lèverai ta postérité après toi, ce sera celui qui est sorti de tes entrailles, j'affirmerai son règne, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Et c'est Jésus ça, il y a juste Jésus qui peut bâtir une maison à le nom, une maison de Dieu sur la terre parmi les hommes. On n'embarquera pas dans cette doctrine-là, mais elle est importante. Et j'affirmerai, juste pour un petit temps, un couple de mois, Son trône, le trône de son royaume, non, pour toujours, pour l'éternité. Fait que Jésus était roi là, dès quand on l'a mis sur la croix, mais pour l'éternité déjà. Je serai pour lui un père, ça sera pour moi un fils. C'est exactement ce que Dieu a dit au sujet de Jésus à deux reprises dans les évangiles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Vous suivez, Lina, ça va? Bon, c'est bon. On est toujours dans la première façon de se moquer, c'est de le considérer comme un de ne pas considérer sa royauté. Extrêmement important. Si Jésus est votre roi, ça va changer complètement votre façon d'agir avec lui. Mais s'il est qu'un homme ordinaire, simple individu, c'est sûr que vous ne plierez pas le genou devant lui. Psaume 2, 2, pas 66, je me suis trompé, ça doit être 2. Ah non, c'est psaume 2, mais verset 6, pas 66, il n'y a pas 66 versets dans psaume 2. Excusez l'erreur. C'est psaume 2, 6. Le verset est ici, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Déclaration que Dieu fait au sujet de Jésus, prophétiquement, dans le psaume 2, écrit par David, 1000 ans auparavant. Qu'est-ce que Dieu déclare ici? Quelle est la volonté de Dieu dans ce verset-là? Que quand Jésus allait venir sur la terre, il allait loindre. Et quand est-ce que ça s'est produit? Ça s'est produit quand Jésus est rentré à Jérusalem en particulier. Bon, dès la naissance de Jésus, c'était là, mais Dieu l'a manifesté dans un événement public, l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un anon. Prophétisé ailleurs dans les Écritures aussi. Zacharie 9, 9 et 10. Zacharie, c'est un prophète plus récent. On parle de 400 ans environ avant Jésus. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse qui est un ânon, hein, Frédéric? Fait qu'ici, Dieu, puis il y a d'autres prophéties, là, on n'a pas le temps de toutes les faire, dans l'Ancien Testament, qui parlent de la venue de Jésus, mais comme un roi. Et la question qui se pose à tout le monde, est-ce que Jésus, c'est ton roi? Bien, si c'est ton roi, qu'est-ce que tu fais pour le servir? Parce qu'un roi, ce n'est pas lui qui se met au service des autres. Pourtant, dans le cas de Jésus, c'est lui qui a fait ça au départ. Normalement, c'est nous les serviteurs. Ou bien on s'humilie devant lui, ou bien on le ridiculise, on l'ironise. Si tu n'as aucune considération pour les prophéties concernant Jésus, faites à l'égard de la royauté de Jésus, tu es un moqueur. Tu es en train de dire à Dieu, « Ha! La connerie, ça, ce que tu as dit là. » Que tu as écrit longtemps d'avance, c'est de la connerie. C'est de l'imbécilité. Tu es un moqueur comme les soldats romains l'ont été à l'époque, ou comme les juifs. Mais eux, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Les Romains, là, quand ils persécutent Jésus avec... Les Romains, quand ils persécutent Jésus avec le roseau puis le pourpre, puis il se prosterne devant lui, puis quand il crache sur lui, puis qu'il frappe. Eux, ils ont l'excuse de ne pas avoir le Nouveau Testament avec eux. Ils ne savent pas tout ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire à Dieu que tu n'as pas le Nouveau Testament, qui parle justement de tout ce que Jésus a fait et qui donne le sens de ce que Jésus a fait. Quand tu étais à l'époque des Romains, tu étais obligé de lire l'Ancien Testament pour comprendre un peu ce qui se passe. Ce que les soldats romains, évidemment, n'ont pas fait. D'une certaine manière, par rapport aux gens d'aujourd'hui, ils ont une excuse. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui n'a pas une excuse? Qui a une excuse de ne pas avoir compris ou fait ce que Jésus demande? D'honorer au moins Jésus comme il doit être honoré. La réponse est non, hein? Il n'y a aucune excuse. Le Nouveau Testament est traduit, je n'en sais pas combien de langues. Mais s'il y a une langue qui n'a pas encore été traduite, Dieu va la traduire pour que les gens connaissent. C'est juste une question de temps. Et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui là, que presque toutes les langues de la terre ont les évangiles dans leur langue. Et ça permet de comprendre ce que Jésus fait sur la croix quand il subit le martyre. Ça va pour ça? Vous suivez jusqu'à date? Donc, aucune excuse aujourd'hui de se moquer de Jésus comme roi. Pourtant, plein de gens le font. Puis là, ils vous disent, « Oh, la Bible, c'est un tissu de mensonges, un paquet de menteries. Ça a été écrit par des hommes, ça a été trafiqué, ils ont été frauduleux dans l'Écriture. Ils ne tiennent pas compte du tout de ce que Dieu a fait. Est-ce qu'ils sont des moqueurs? C'est-à-dire, l'homme, je me glorifie d'être meilleur que toi, Dieu. Deuxième façon de se moquer et de rejeter l'évangile de Jésus-Christ, ça a été de l'élever au rang des criminels condamnés avec lui. On voit ça dans les versets 25 à 28. Dans Marc. On l'a lu tout à l'heure, mais on va revenir juste rapidement. Il faudrait que je sois dans le chapitre 15, ça va aller mieux. OK. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Encore une prophétie de l'Ancien Testament. Cette prophétie-là est dans Ésaïe 53, 12. C'est pourquoi je lui donnerai la part, sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a été, s'est livré lui-même à la mort, hein, vous le savez. On l'a vu avec... En partie avec l'André la semaine passée, il s'est livré lui-même à la mort. Personne n'est venu lui réclamer sa mort. De lui-même, de façon libre, Jésus s'est livré à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe, 750 ans avant Jésus. Jésus, ce n'est pas lui qui a décidé de se mettre entre deux brigands. C'est la nation juive et à travers les Romains qui ont fait ça. Est-ce qu'ils honoraient Jésus en faisant ça? Leur incrédulité face aux prophéties de l'Ancien Testament a fait en sorte qu'ils ont accompli ce que Dieu avait annoncé longtemps d'avance. Et on l'a vu la semaine passée à travers l'enseignement de Landry, qu'ils ont agi ignominieusement à l'égard d'un homme juste et sans reproche. Et ça, c'est une injure de plus. L'application actuelle, si aujourd'hui tu méprises l'intégrité de Jésus comme l'ont fait ses contemporains, autrement dit, tu t'en fous de son innocence. On l'a chanté ce matin dans presque tous les chants, l'innocence de Jésus. En ne reconnaissant que c'est volontairement que Jésus a supporté l'ignominie. Jésus a supporté cette ignominie-là parce qu'il l'a voulu. Se plier par obéissance à ce que Dieu avait planifié pour le salut. Donc, l'ignominie des hommes pour expier tes péchés et intercéder pour toi. Tu agis ignominieusement comme ses contemporains. Fait que si tu ne reconnais pas l'ignominie que tes péchés ont participé en même temps à ce que les Romains ont fait avec Jésus, bien, tu es en train d'agir, de te moquer. Vous allez dire, tous ceux que vous connaissez aujourd'hui pratiquement sont dans cette situation-là. Oui, c'est vrai. Mais ils ont le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'ils attendent pour le lire? Pour comprendre? Hébreux 12, 1 et 2, pour vous montrer à quel point c'est Jésus qui le fait volontairement. Un passage qu'on lit souvent, mais qui mérite d'être lu souvent. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, et c'est ça le verset important, le chef et celui qui a amené la foi à la perfection, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé quoi? L'ignominie, le non-respect. Et qui s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et Jésus l'a fait volontairement parce qu'il est en train d'accomplir une mission, celle de sauver l'humanité, de sauver tous les hommes, sans exception, de la perdition éternelle. Évidemment, tous les hommes ne seront pas sauvés. Ça prend une volonté de l'homme de mettre sa foi en Jésus, ce que beaucoup refusent aujourd'hui. Ignominie? Qui peut répondre à la question de... La honte? Tu sais, mettons que tu es au travail, là, puis tu es accusé injustement d'avoir, je sais pas, volé une pièce. Puis tu sais que tu ne l'as pas fait. Tu vas te défendre à mort, comme un homme qu'on est, ou tu vas supporter d'être accusé volontairement de quelque chose que tu n'as pas fait, parce que tu vois que l'autre a besoin de quelque chose qu'il n'a pas, entre autres, ta connaissance de Jésus-Christ. Là, tu vas subir l'ignominie temporairement, alors que ce n'est pas vrai. J'oublie les conséquences qu'il peut y avoir. Là. On est d'accord? Troisième façon de se moquer et de rejeter l'Évangile de Jésus-Christ, c'est en l'injuriant comme les passants l'ont fait pendant qu'il était sur la croix. On va voir toutes les choses. Au verset 29 et 30, il déforme ses propos. Gilles me faisait remarquer vendredi matin, et je suis reconnaissant que Dieu l'ait utilisé pour ça. Ils ont vraiment déformé les propos de Jésus. Dans le verset 29 de Marc, il dit, « Les passants l'injuriant et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Est-ce que c'est ça que Jésus a dit? Allons voir Jean 2, 19. C'est rapporté autrement, vous allez voir. Mais ça, on fait ça plein de fois aujourd'hui. On déforme les propos de ce que Jésus a dit. Et on s'imagine qu'on est savant parce qu'on a fait ça. Jean 2, versets 19 à 21, c'est la première visite de Jésus à Jérusalem pendant son ministère, pendant sa mission. On va commencer au verset 18. Les Juifs, il vient chasser les voleurs du temple une première fois. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Ça, c'est la parole exacte de Jésus avec les Juifs. Rendu ici, c'est rendu « Toi qui détruis le temple. » Jean, dans l'Évangile, il nous ajoute un commentaire. Ses disciples n'ont pas compris ça tout de suite. Ils l'ont compris après la résurrection, qu'il parlait du temple de son corps. Mais devant l'ignorance de ce que signifie un passage biblique, on ne le déforme pas. Ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils en rient et ils disent n'importe quoi. Alors que Jésus, lui, parlait du temple de son corps. Et c'est exactement ce qui va se passer. La parole de Jésus, telle qu'elle a été dite, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtis. » Il parlait de la crucifixion, de la mort, et les 3 jours dans l'ensevelissement jusqu'à la résurrection. Et après la résurrection, il le rebâtit. Prophétie de Jésus, 3 ans auparavant environ, qui s'accomplit parfaitement, et si les gens avaient eu la décence de dire « on ne comprend pas cette parole-là, mais on y fait attention », plusieurs des disciples, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont compris après que Jésus, ce qu'il avait voulu dire. Mais aujourd'hui, quand on ne comprend pas quelque chose, on s'en moque, on rit de ça, puis on détourne le sens, puis là, on finit par oublier ce qui a été dit vraiment. Au verset 30 et 32, en tentant Jésus de descendre de sa croix et d'abandonner la mission de salut pour l'humanité. Quand on vient à Marc, Qu'est-ce qu'il dit? Sauve-toi toi-même à descendre ta croix. Les principaux sacrificateurs, pas n'importe qui, hein, les chefs religieux du temps, et les scribes se moquaient entre eux. Ils disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyons. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui ont fait la même chose. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Rappelez-vous les tentations de Jésus dans le désert. Qui faisait quelque chose de semblable? Qui a dit? Satan. C'est beau, Diane. On va te donner une étoile après. Comme quand on était à la petite école. C'est vrai, c'est Satan. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Descends de ta croix, fais-nous un miracle, on va croire en toi. Et combien refusent de croire en Jésus en attendant qu'il fasse un miracle dans leur vie, aujourd'hui? C'est pareil. Pourtant, quand on se convertit à Christ, il y a véritablement un miracle qu'on n'est pas capable d'anticiper, qu'on ne demande pas à Dieu nécessairement, mais qu'on reçoit gracieusement de sa part, c'est celui d'avoir le Saint-Esprit après. D'être inclus dans la maison de Dieu, gracieusement. Mais ce miracle-là, on ne le demande pas à Dieu. On veut avoir un miracle éblouissant. Seigneur, je veux avoir la dernière Mercedes qu'il y a, ou la dernière Lamborghini, hein? Frédéric s'est caché, là. Ou le dernier Bazou, ou le château en Espagne, ou peu importe, là. Alors que ce qu'on a besoin de recevoir, c'est la grâce de Dieu pour nos péchés. Fait que, ils font quoi, les gens autour de la croix? Ils essayent de le faire descendre la croix par un miracle. Et si Jésus leur avait obéi, on ne serait pas ici aujourd'hui, hein, vous savez. Alors là, Jésus a résisté parce que sa mission était plus importante que le reste. Et il avait raison. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on peut être ici et le louer. Au verset 31-32, « En exigeant comme les principaux sacrificateurs et les scribes qu'ils fassent un miracle digne du Christ, le roi d'Israël, afin qu'il voie. » 31-32, là, je pense qu'on vient de lire, je vais passer par-dessus rapidement, parce que le temps avance. Les brigands, eux autres, ont fait pareil. On sait qu'un des brigands va se repentir de ça. On le voit dans l'autre évangile. Marc ne le rapporte pas. Mais un des brigands va se repentir et Jésus va lui faire la promesse et une des paroles célèbres de la croix où il va dire « Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. » Et cet homme-là, juste parce qu'il s'est tourné vers Jésus, qui a reconnu que Jésus est un homme juste, qui ne méritait pas son sort, puis il n'avait rien compris de la mission, du baptême, de tout ça, mais juste parce qu'il s'est tourné vers Jésus-Christ, il a reçu le salut en récompense immédiate. Bien, immédiate, il a dû mourir sur la croix, là. On lui a cassé les deux jambes pour qu'il meure vite, là. Juste penser à ça, ça me fait casser les os volontairement par quelqu'un. Donc, troisième façon de se moquer, faites comme ça. Continuez comme ça si vous êtes sur ce terrain-là. Vous allez accomplir ce que Dieu demande, pas Dieu demande, mais que Dieu vous fait réaliser ici que c'est un travail de moqueur. J'ai parlé de toi, là, tu es sauvé? Versets 34 et 36, qu'est-ce qu'il dit? On s'est moqué de la parole de Jésus. Marc ne rapporte que deux paroles de Jésus sur la croix, je crois, avec le dernier grand cri dont il ne dit pas ce que c'est. Puis dans cette deuxième parole, il dit, c'est quand Jésus pousse le cri « Eloi, Eloi, lama sabachthani », qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est prononcé en araméen, qui était la langue comprise à ce moment-là, mais les gens ont compris Élie. Et ils avaient une fable, je ne sais pas si on peut appeler ça une fable, mais en tout cas, qui était répandue chez les Juifs, dans laquelle ils croyaient que, possiblement, Élie pouvait venir aider des suppliciés. Et quand les gens entendent ça, plutôt que d'essayer de comprendre ce que Jésus a dit, ils font une application avec Élie, avec la fable en question. Et c'est pour ça que vous voyez un peu plus loin, ils disent « Laissez voir si Élie va venir le sauver. » Encore là, c'est moqueur. Évidemment, Élie n'est pas intervenu, qui a confirmé leur mensonge. Voyons à quel point là, Jésus subit constamment ce genre de choses-là. Et il persévère jusqu'au bout. Pourquoi? Pour que Landry soit sauvé. Juste lui. Non, hein? Pour tous ceux qui mettent leur confiance en Christ, soient sauvés aujourd'hui. Au verset 36, ils ne reconnaissent pas qu'ils viennent d'accomplir une prophétie à propos du vinaigre. Verset 36, qu'est-ce qui se passe? Excusez. L'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons, si Élie viendra le sauver. » Mais quand ils font ça, ils sont en train d'accomplir une prophétie encore là concernant Jésus. C'est au psaume 69, 22, dans lequel il est clairement dit qu'ils vont donner du vinaigre à boire à Jésus. Pour aller le lire, je n'ai pas le temps de le faire avec vous, il faut que j'avance. Donc, injurier Jésus, c'est légion aujourd'hui, beaucoup le font. On s'amuse à déformer allègrement les propos de Jésus par des citations partielles de sa parole, souvent, comme on a fait avec « Toi qui détruis le temple ». On a pris quelques mots, mais on a tout réarrangé ça dans un autre sens. J'en donne quelques-unes ici, mais je n'ai pas eu le temps de faire le tour de quelques épisodes. Rendre à César ce qui est à César, en oubliant. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein, vous entendez ça régulièrement, il faut rendre à César ce qui est à César. Vous entendez ça dans le monde, dans les nouvelles, quelqu'un veut bien paraître, il cite une affaire comme ça. Mais on oublie carrément qu'il est à Dieu ce qui est à Dieu. Une autre citation célèbre, « À chaque jour suffit sa peine », en oubliant, juste le verset précédent, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » C'est bien beau de dire « À chaque jour suffit sa peine », mais sans Christ, ça ne veut rien dire. Ça meuble le temps, ça meuble une belle conversation. J'ai de l'air intelligent quand je dis ça. Faisons attention, nous, de ne pas être partiels dans nos citations de l'Évangile avec des inconvertis. Faisons attention. Nul ne peut servir deux maîtres en oubliant que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon étant le dieu des richesses, un idole. Donc, la poursuite des richesses est une idolâtrie criminelle envers Dieu. Et il y en a plein d'autres. L'application actuelle, aujourd'hui, si tu exiges de voir un signe miraculeux pour croire, comme l'ont fait les principaux sacrificateurs, et les scribes ont exigé de lui, au verset 32, « Afin de croire en lui comme sauveur, tu es dans cette situation-là. » En Matthieu 12, 38 à 40, dans une circonstance presque similaire, Jésus a répondu à ceux qui voulaient lui faire voir un miracle pour croire en lui, qu'il n'aurait pas d'autre miracle que sa résurrection après 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Rappelez-vous, les scribes et les pharisiens, « Fais-nous un miracle, on veut voir un miracle. » Jésus dit, la nation pécheresse demande un miracle. Il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. Et comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, ainsi le Fils de l'homme va être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et ce miracle-là qui s'appelle la résurrection, l'ensevelissement et la résurrection, est suffisant pour croire en Christ. On va passer rapidement parce que le temps file, comme d'habitude. Bon, la quatrième façon de se moquer, de rejeter l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile, en passant, c'est le mot « bonne nouvelle ». On pourrait traduire ici, là, quatrième façon de se moquer et de rejeter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est en méprisant les signes prophétiques au sujet de sa mort. Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Si vous allez lire dans Jean 19, 30 et Luc 23, 46, on voit que Jésus a prononcé 2 paroles juste avant de mourir. Il a dit, « Tout est accompli. » En fin de compte, le mot « accompli » peut être rendu par « tout est payé ». La dette du péché est payée pour l'humanité. Et 23, 46, Luc, en parlant d'une voix très forte, Jésus a dit, « Père, vas-y Michel. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il le dit d'une voix très forte, que ça a paru comme un grand cri pour les auditeurs qui est raconté dans Marc, mais qui a quand même été noté. Et Jésus déclare sa mort et ça arrive instantanément, tout de suite après. À un tel point que le centenier va être, si vous lisez dans le verset, dans l'Évangile de Marc, le centenier va être étonné. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » C'est Jésus qui a décidé quand est-ce qu'il mourrait. Il a donné sa vie librement. Il a subi le martyre pendant 6 heures sur la croix. Et quand ça a été terminé et accompli, quand la dette du péché de l'homme était complètement payée, il a rendu l'âme à son Père. Quelque chose, hein? Tu me faisais remarquer, Gilles, le vendredi matin, que même si on veut décider du moment précis de notre mort, souvent, ça ne se passe pas comme on a décidé. Même avec l'histoire d'euthanasie aujourd'hui, là, programmée par la médecine, ça n'arrive pas toujours quand on veut. Et Jésus, lui, sur la croix, attaché, ne pouvait rien faire d'autre, quand il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'est instantané. Peu d'hommes meurent de même. Bon, il s'est produit plein de signes. On va les voir un peu. Bon, dans Marc, il est raconté que le voile du temple s'est déchiré. À l'endroit où Jésus est crucifié, ça n'apparaît pas tout de suite, ça. Le temple est ailleurs. Mais ça n'a pas pris le temps que la nouvelle a été répandue dans Jérusalem. Il y a eu un tremblement de terre selon Matthieu. Et les résurrections temporaires qui se sont manifestées dans Jérusalem. Mais tout ça, c'est des affaires qui sont venues entourer un peu la mort de Jésus. Mais c'est des signes qui ont marqué immédiatement son décès. Le centenier qui était devant, lui, il y a une réaction immédiate. Il en a vu des hommes mourir sur la croix. Ce n'était pas le premier crucifié qui devait avoir à s'être occupé. Et il n'y en a pas un qui est mort comme Jésus. C'est des hommes habitués à ce genre de cruauté. Et lui, son témoignage, évidemment, fils de Dieu, ça n'a peut-être pas tout à fait le sens chrétien qu'on lui donne aujourd'hui, mais c'est quand même un témoignage d'un païen qui dit la même chose que Marc au début de son évangile, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. L'autre chose intéressante, c'est au verset 44-45, « Pilate s'étonna de ce qu'il fut mort si tôt. » Encore là, même Pilate, qui en a envoyé du monde sur de la croix, on a même un témoignage dans un autre récit des Évangiles, où il a envoyé plusieurs Galiléens sur la croix. Donc, c'est un homme qui n'était pas impressionné par les crucifixions. Il est étonné de voir que Jésus est mort si rapidement. Puis le mot en grec, c'est stupéfié. À tel point qu'il dit, envoie le centenier, va vérifier. C'est intéressant parce que ce centenier-là, on le sait par d'autres évangiles, a percé le côté de Jésus, il est sorti du sang et de l'eau. C'est comme ça que la mort de Jésus a été vraiment attestée. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont le mensonge facile, qui ont identifié, Jésus n'était pas vraiment mort, en le mettant dans le tombeau, c'était frais, il a repris vie, puis il était juste assommé sur la croix, dans le fond, il était juste... Oui, ça existe, ce mensonge-là. Mais si vous croyez les Écritures, ce n'est pas ça qui s'est passé. Il y a vraiment eu attestation de sa mort. Et l'autre accomplissement prophétique que Jésus, comme homme mort, ne pouvait pas faire, c'est qu'on l'a enseveli dans le tombeau du riche. Joseph d'Arimathée, c'est un homme riche, qui s'était fait construire un tombeau pas loin de l'endroit où Jésus a été crucifié. Et lui, il avait une crainte de Jésus, mais il était comme caché. Il se cachait, parce qu'il était membre du Sanhédrin. Il est allé voir Pilate, probablement en tremblant, en espérant que Pilate réponde à sa demande. Effectivement, Pilate lui a donné le corps de Jésus, et il est allé le mettre dans le tombeau. Mais la Bible avait annoncé dans Ésaïe 53,9 qu'on mettrait son corps dans un tombeau d'un riche. Encore là, prophétie. Parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on a vu 4 façons de se moquer et de rejeter la bonne nouvelle de Christ, qui sont encore utilisées dans notre monde aujourd'hui. en considérant comme un roi telet, un homme sans importance. Si tu considères Jésus vraiment comme il est, tu vas faire attention à ce qu'il dit. Mais si tu le vois juste comme, pour ce qu'il est roi ou non, ça peut bien chanter. On est poigné aujourd'hui avec Poutine, avec Trump, avec Xi Jinping et tous les autres dominateurs de la Terre. Ça, c'est des hommes forts. Jésus. Que j'ai affaire de Jésus, moi. En l'abaissant au rang des criminels crucifiés avec lui, ça, on voit que ça s'est passé dans son temps. En l'injuriant, en méprisant ses paroles, en tournant en dérision ses paroles. C'est ce qu'on avait vu, les exemples qu'on avait dans Marc. En ignorant les signes prophétiques qu'il a accomplis par sa mort, sa résurrection. Et Jésus a accompli plusieurs prophéties. Ils n'ont pas toutes vues un matin, on a vu que quelques-unes. Dans Marc 8, 38, qu'on a vu précédemment, « Car quiconque aura honte de moi et de Lydia, de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse. » Dans quelle génération vous vivez? Ézéchiel, dans quelle génération qu'on vit? Adultère et pécheresse. Oui, il y a beaucoup d'adultères dans notre génération. Mais adultère envers Dieu aussi. Il adore des idoles plutôt que d'adorer Dieu. On est d'accord? C'est beau, Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, le Fils de l'homme va en prendre soin quand il va revenir dans sa gloire. Hein? Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Encore là, un avertissement très solennel à tous ceux qui osent continuer à se moquer de ce que Jésus a fait ou dit. Et il s'attend de ceux qui se convertissent à lui à une obéissance comme serviteur ou esclave de Jésus-Christ. Solution, tu dois te tourner par la foi vers Jésus-Christ crucifié pour tes péchés et ressuscité le troisième jour. Si tu es dans cette situation-là, et certains d'entre vous ici, peut-être encore en train de le faire, blasphème. Vous savez ce que ça veut dire blasphémer pour les Québécois? Michel? Et dire des mots de la Bible. Là, il n'est pas québécois, lui, c'est un camerounais, pour ça. Mais tu as entendu du monde blasphémer autour de toi. Il utilise le nom de Jésus. Les noms catholiques qu'on avait aussi, là, toute la vaisselerie de l'Église catholique. Mais avec l'intonation et souvent avec le terme « maudit ». Avant. Je n'ose pas le dire ici ce matin, là. Pour se péter les bretelles et carrément mépriser qui est Jésus. Et le mot Jésus-Christ est souvent utilisé dans les blasphèmes ici au Québec. Pour se glorifier et se péter les bretelles. Alors que ces gens-là ne savent pas avec quoi ils jouent. Mais il y a une solution. Si tu as fait ça, ta cause n'est pas perdue, mais tu dois absolument te tourner par la foi. Et accepter le salut que Jésus t'offre par la foi. La seule solution. Tu n'auras pas d'autre miracle que celui-là. Tu vas avoir un miracle après dans ta vie, mais ce n'est pas celui que tu penses. Et ici, là, plusieurs versets, on va les faire par cœur. Jean 3, 16. Qui peut me répéter ça par cœur? Car... qu'il a donné afin ne périsse point, mais qu'il ait. C'est beau, Rémi. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont par sa grâce, par le moyen de la foi. Acte 4, 12. J'ai oublié le début. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Le salut est en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Mahomet, le pape, la Vierge Marie, les saints. Inutile pour le salut. Le pope. les nombreuses idoles indiennes ne peuvent apporter le salut. Acte 10, 43. Les prophètes, le témoignage que quiconque croit en lui, quiconque, c'est qui ça, quiconque? Tout le monde, sans exception, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 5, 24, en vérité, si, là, je l'ai oublié. en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Lina, c'est important. Vraiment un verset très important. Jean 10, 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Et elles ne? Mon Père qui me les a données est plus grand que tous. Moi et le Père, nous sommes... Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 14, 6. Il est là, là. Je suis le chemin et la vie. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui parle ici encore. Et 1 Jean 5, 13, 11 à 13, c'est le dernier. Là, je ne me rappelle plus comment il commence. Ce ne sera pas long. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si tu es dans une situation où tu t'es moqué de Jésus, et que tu le fais encore, ta situation n'est pas perdue, mais ne pars pas d'ici sans régler ton problème avec Jésus. On est d'accord? D'accord, Gilles? Si vous avez de la misère à faire ça, venez voir Gilles, venez voir n'importe quel des croyants qui est ici, ils vont vous aider à mettre votre foi en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole parmi vous.